la porte ouverte sur la mer et la fenêtre au bout des ongles sur les marais, les bateaux verts se crèvent et jonglent. La main sur l'ombre de la houle et la peluche sous la main. Les doigts pervers sont une foule avec l'audace de leur chien. Et tout autour des assassins, dans des bureaux vitrés de neuf, lorgnant la merde et des coussins dans la même coquille d'œuf. Chasser les larmes du désert, des yeux si noirs qu'ils en sont bleus, dans les prairies tout grands offerts, des yeux si beaux qu'ils en sont deux. Un cerf-volant dans la nuit brève et des grenouilles à plein poumon, il te le faut encore ce glaive, je te le donne jusqu'au front. Et tout autour des assassins, éjaculant dans ton milieu, poussant ta tête vers ce rien, et fuyant vite en d'autres lieux. Le creux des vagues au ciel de cire, un cri poussé jusqu'à la crête, le cercle maître sans navire, l'angle vaincu pour une fête. Venu battu du cœur battant, les perles coulent aux lèvres fines, les ongles creusent jusqu'au sang, venu malin de main maligne. Et tout autour des assassins qui te cèdent leurs accessoires et la défoncent dans la main, feraient flipper tout ton espoir. Les seins tendus à l'aube bleue, les reins perdus dans le décor, le ventre plongé dans le feu qui monte et jamais ne s'endort. Et dans ce ventre encore ouvert, déchaîner la foudre qui tombe. Et dans ce ventre c'est l'éclair qui fend la terre et qui succombe. Et tout autour des assassins, tuant la vie ce jour de givre, tuant la mort aussi plus loin, quand cette mort te laisse vivre. Mais il en faudra de ces ombres, assassinats et nuits qui tombent, il en faudra pour barrer clair ta porte ouverte sur la mer. Yeah.